Document 2. Témoignage. 1. Madame Ravel, maman de 2 enfants. Mes enfants dormaient. Je lisais. Tout à coup, le train s'est mis à trembler. Les enfants sont tombés de la banquette et ils se sont mis à pleurer. Tout le monde criait. On a eu peur. 2. Max, adolescent légèrement blessé. J'étais au bar. Je cherchais une place avec mon plateau. Quand le train a freiné, je suis tombé. Mes mains étaient occupées et je n'ai pas pu me retenir. Je me suis foulé le poignet. 3. Bolo Boli, le dompteur du cirque. Tony, qui a 29 ans et pèse 4 tonnes, s'est échappé après le spectacle. Un orage a éclaté, Tony a eu peur et il s'est enfui. Il a traversé le village et il a fait 50 kilomètres à travers la campagne. Il était en état de choc.